107.0 RGM Radio Gémozo, ta radio locale préférée. Il est midi, l'heure de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gémozo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, je suis avec Thierry Abel, qui est le président de l'association ERCVM et de Christian Girardot. Bonjour, comment ça va ? Bonjour, ça va très bien, merci. Bonjour Laura, tout va bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter à tour de rôle à nos auditeurs ? Oui, donc Thierry Abel, donc j'habite à Éloy et je suis le président de ERCVM, qui veut dire Énergie Renouvelable Citoyenne Vologne-Moselle. Donc moi, Christian Girardot, j'habite aussi Éloy. Je fais partie de l'association ERCVM et puis j'ai voulu aussi lancer le Ripper Café. Et depuis quand est-ce qu'elle existe, l'association ERCVM ? Donc on a démarré en 2019 et donc l'idée au départ c'était de créer des toitures photovoltaïques en financement participatif, c'est-à-dire que chacun pouvait apporter tout ce qu'il avait, tout ce qu'il pouvait financièrement. Mais on était un peu bloqué par deux choses, premièrement le Covid, parce qu'on pouvait plus se réunir, donc travailler avec des bénévoles sans se voir, c'est très difficile. Et deuxièmement, l'évolution du contexte réglementaire. Et depuis quand est-ce que vous en faites partie ? Est-ce que c'est vous qui l'avez créé, l'association ? Bah, c'est moi qui suis à l'initiative, mais bon, on a réussi à réunir quelques personnes autour, donc on fonctionne en moyenne à 10-15 personnes à chaque réunion. Est-ce que vous pouvez nous parler des personnes qui travaillent avec vous ? Des bénévoles et qui sont surtout sur le secrétariat, la compta et puis la création de projets. Et justement, combien il y a de bénévoles actuellement au sein de l'association ? Au niveau des membres, on est une quarantaine, mais les personnes qui s'investissent, on est plutôt une quinzaine. Est-ce que vous avez besoin de bénévoles actuellement ? Oui, on aurait besoin de gens pour tout ce qui est site internet, communication, etc. Est-ce que vous voudriez lancer un appel à nos auditeurs qui pourraient vous rejoindre dans l'association ? Bien sûr, s'il y a des gens qui sont férus de sites internet ou de choses comme ça, de Facebook, tout ça, donc ça nous intéresse vraiment de pouvoir avoir des gens qui s'investissent là-dedans. Et qu'est-ce qu'ils font les bénévoles actuellement dans l'association ? Donc actuellement, on a proposé des kits photovoltaïques qui sont très simples. C'est 1, 2 ou 4 panneaux qui sont en autoconsommation individuelle. C'est-à-dire que tout ce qui est produit par l'installation est consommé localement dans l'habitation. Et c'est très simple puisqu'il suffit de brancher ce petit kit sur une prise normale. Et en fait, là, on se différencie un peu des offres classiques parce que le fournisseur qui s'appelle SolarCop est une société citoyenne, également gérée par des bénévoles qui ont aussi un rayonnement social. Ils subventionnent Solar Sans Frontières et ils ont leur centre d'appel est réalisé par une association handicapée, etc. Donc, c'est pour ça qu'on travaille avec eux. Et vous, Christian, vous faites quoi dans l'association ? Eh bien, moi, j'étais bénévole un peu en retrait, on va dire. Et puis, j'ai découvert l'activité Ripper Café. Et j'ai pensé que l'association pourrait s'investir. Donc, j'ai présenté un petit projet. Et puis, le président et les membres bénévoles présents à la réunion ont accepté ce projet. Nous allons faire une première pause musicale avant de parler d'énergie renouvelable et du Ripper Café. On vous laisse plonger dans l'univers de Louis Armstrong avec son titre What a Wonderful World, quel accent anglais extraordinaire aujourd'hui. A tout de suite sur Radio Gémozo. I see trees of green, red roses too, I see them blue for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dogs say goodnight, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I ever knew. To myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful de retour sur les ondes de RGM avec Christian Gérardot et Thierry Abel. Alors, c'est quoi les énergies renouvelables ? Alors, les énergies renouvelables, bah, comme son nom l'indique, c'est une énergie qui peut se renouveler, contrairement aux énergies fossiles, pétrole, charbon, gaz, etc., qui sont puisées dans le sous-sol et qui ne se renouvellent pas. Les énergies renouvelables, bah, elles se renouvellent. C'est par exemple le solaire, l'éolien, la biomasse, voilà, les plus utilisées. Et les éoliennes, ça fait quoi ? Bah, les éoliennes, ça transforme l'énergie du vent en électricité. Comme les panneaux solaires, finalement. Alors, les panneaux solaires, c'est un tout petit peu différent. C'est la lumière qui est directement transformée en électricité. Il peut y avoir aussi du solaire thermique qui transforme la chaleur du soleil en chauffant de l'eau, par exemple. Est-ce que, par exemple, quand on a une maison, est-ce qu'on peut se servir que des panneaux solaires pour l'énergie, pour le chauffage, par exemple ? Alors, pour le chauffage, si on chauffe de l'eau, on peut arriver à avoir toute sa production d'eau chaude pendant la période d'été. Est-ce qu'on peut dire que c'est de l'écologie, finalement, tout ça ? Toute énergie qui n'est pas prise sur de l'énergie fossile, c'est lié à l'écologie. L'empreinte carbone est beaucoup moins importante. Par exemple, sur le photovoltaïque, l'empreinte carbone d'une installation est rentabilisée au bout de 2 à 3 ans. Est-ce que vous pensez que ça aide à moins polluer la planète, ça ? Ben bien sûr. Et si on utilise des énergies fossiles, ben y a des émissions de gaz à effet de serre, qui n'est pas vraiment une pollution qui participe au réchauffement climatique. Il ne faut pas confondre pollution et réchauffement. C'est quoi le Repère Café, Christian ? Le Repère Café, eh bien, c'est un atelier qui permet de réparer ce qu'on aurait pu éventuellement jeter. Donc c'est une démarche un peu nouvelle, on va dire. Il faut, avant de jeter, on essaie de réparer. Ça fait partie de l'écologie et du bon sens, en fait. Et ça va bientôt se passer à Éloie. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, ça va se dérouler à Éloie, à la salle de convivialité, le 11 novembre, après-midi, de 14h à 17h. Et comment vous est venue l'idée de faire ça à Éloie ? Parce qu'à Éloie, il n'y avait rien du tout. Donc, et puis on s'aperçoit qu'à Éloie, la déchetterie, elle déborde. Le Sicovan nous le rappelle assez régulièrement, nos poubelles débordent. Donc le bon sens voudrait qu'on fasse moins de déchets. Donc passons par le Repair Café. Avant de jeter, essayons de réparer. Et je voudrais apporter une précision par rapport aux énergies. Un objet qui est fabriqué consomme de l'énergie lors de sa fabrication. Donc en fait, si on le répare au lieu d'en acheter un neuf, eh ben, on va participer à la réduction de son empreinte carbone. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout réparer ? On peut essayer de tout réparer. Il n'y a pas de garantie, hein, mais au moins, on aura fait le geste. Est-ce que vous réparez des choses, vous, de votre côté ? Ah bah moi, je suis déjà d'un naturel un peu bricoleur, donc ça me paraissait évident. J'ai vu via un groupe Facebook que le Repère Café des Lois recherche des bénévoles, mais quel profil est-ce que vous recherchez? Est-ce que c'est exclusivement des gens qui savent bricoler ou c'est un peu plus divers? Ah, mais on accepte tout bénévole, ne serait-ce que pour l'association RCVM, ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, dans le cas du Repère Café, il faut quand même des personnes un peu expertes, on va dire, ou bons bricoleurs, voire professionnels. Mais tout en sachant que le Repère Café, c'est du bénévolat, hein. Rien n'est payant. Les personnes qui amènent leurs objets à réparer repartent sans avoir déboursé un seul centime, réparé ou pas. Et sur les autres repères cafés, qu'est-ce qui est réparable? Par exemple, l'électroménager? L'électroménager, alors, par expérience, je me suis aperçu que dans certains repères cafés, il réparait quasiment 50% de l'électroménager. Et les ordinateurs aussi, c'est possible ça? Alors, quelquefois, bon, après, ça prend plus de temps à réparer un ordinateur, hein, reconfigurer, c'est assez long, donc on peut aiguiller les gens vers des professionnels ou nos experts. Les experts que j'ai trouvés sont aussi dans l'informatique, donc ils peuvent aiguiller les gens vers un réparateur ou essayer de réparer, mais il ne faut pas non plus que ça prenne la journée, c'est pas le but. Et par exemple, quand on a un vélo de cassé, si on ne peut plus passer les vitesses, qu'est-ce qu'on peut faire pour le réparer ? Réparer son dérailleur. Donc on a quelques experts vélos qui sont gentiment proposés. Donc les connaissant déjà, je sais que c'est des très bons bricoleurs, donc il n'y aura aucun souci pour réparer un dérailleur. Bon, sauf s'il est en morceaux, mais si c'est une histoire de réglage, ça se fera sans aucun problème. Et pour le 11 novembre, j'ai vu que vous recherchiez des hôtes ou des hôtesses d'accueil. Ah ça, j'ai eu beaucoup de personnes qui sont proposées pour accueillir les gens. Donc de ce côté-là, c'est très bien. Et vous allez proposer des animations ? Il y aura une animation proposée par ERCVM, c'est-à-dire les panneaux solaires seront en démonstration avec explication. Thierry sera là pour donner toutes les explications aux gens. Dans le cas du Repère Café aussi, il y a café, donc forcément, il y aura un petit point sourire, on va dire, un petit point d'accueil pour les gens, les faire patienter, leur expliquer le principe du Repère Café. Qu'est-ce que vous pourriez dire à nos auditeurs qui pourraient devenir bénévoles pour le Repère Café à Éloi? Ah, si vous aimez le contact, le bon petit bricolage, voilà, il faut venir nous voir, il faut venir essayer. Nous allons faire deux pauses musicales avant de parler de votre actualité. On vous laisse avec Michel Fugain et Assassin. On se retrouvera juste après sur le 107. Seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe, dit comment peut-on vivre aujourd'hui, dans la fureur et dans le bruit, je ne sais pas, je ne sais plus. Chanter ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace, dit comment peut-on vivre sans lui, sous quelle étoile, dans quel pays, je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Baisser les bras, je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu. Vous écoutez Radio Gemozo. Radio Gemozo. 107.0. Debout, évaluer l'envergure des problèmes. Ceci n'est pas une demande, mais un besoin pour que l'espoir revienne. L'homme organise sa destruction. Analysons la situation pour que vous puissiez comprendre ma vision. Un trou dans la couche d'ozone. Cela devient banal de parler d'ozone, mais sans elle, personne n'est autonome. Car l'ozone nous protège du soleil. Et sans un radical changement dans les comportements, ni la prévention, ni les conseils, ne stopperont cette catastrophe naturelle. Naturelle, naturellement pas. Car les victimes sont les fautifs. Cette fois, comment survivre dans un monde contrôlé par l'économie, où les problèmes écologiques sont délaissés, préférant le profit. Comment ne pas respecter la nature, sachant que si l'air est pur, il peut y avoir un futur. Mais déjà Mexico, Tokyo, New York agonise. Et bientôt toute la planète sera compromise. Prenez conscience, pensez à la prochaine génération. Le futur de la planète dépend de notre éducation. Alors réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires. Non. Elle va en accord avec la pollution des mers. Non. Apprécie-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la Terre, sauvons la Terre. Je crois en l'homme et l'homme croit en sa planète. Yeah. La nature c'est la vie, la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt les chocs sauvent la planète, sauvent la planète, sauvent la planète. Comment pouvez-vous encore raser les forêts entières en ayant pris conscience que l'oxygène que l'on respire vient de l'arbre qui pousse dans la terre? Pourquoi les grandes puissances ne versent-elles pas une ronde pour les pays aux ressources vitales économiques? Bon, au plus bas, pourquoi l'armée continue ses essais nucléaires? Plus on le sait, tout vit dans les fonds des mers. D'abord un trou dans l'atmosphère, plus l'on respecte l'environnement par les puissances qui détiennent le monopole de l'argent. L'industrie mondiale est coupable de l'usine nucléaire de Tchernobyl à la constante disparition de la mer d'Ara, de la forêt, de l'Amazonie. Alors putain d'économie qui régit la vie dans le pays, la disparition d'espèces animales et le but de ces conneries. Réfléchissez à deux fois, ceci nous concerne tous. Elle va en accord avec les essais nucléaires. Non. Elle va en accord avec la pollution des mers. Non. Appréciez-vous tous les déchets dans l'atmosphère. Non. Sauvons la Terre, sauvons la Terre. Je crois en l'homme et l'homme doit croire en sa planète. Yeah. La nature c'est la vie n'est pas une conquête. Non. Le progrès n'est pas contrôlé, voilà pourquoi bientôt les chèques sur la planète, sur la planète, sur la planète. De retour sur les ondes de RGM avec Christian Girardot et Thierry Abel. Merci aux auditeurs qui sont avec nous depuis le début de l'émission et merci à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre en streaming via notre site stream.radiogemozo.eu/live ou par l'application mobile Les Radios Associatives. Vous pouvez également nous écouter localement en branchant votre transistor ou votre trot radio sur le 107. Vous avez d'autres choses à nous dire sur le repère Café des Lois, Christian? Alors oui, j'avais oublié un point qui me paraissait un peu important, c'était un mini partenariat avec le collège, enfin notamment avec le club de modélisation 3D, qui nous proposerait d'imprimer les petites pièces cassées d'électroménager par exemple. Puis aussi, on aurait un stand d'information du SICOVAD, avec des panneaux d'information sur le tri et les filières de recyclage. Le SICOVAD nous prêterait aussi des gobelets. Quelle est l'actualité de l'association ERCVM? Donc... Pour revenir un tout petit peu en arrière, on a déjà fait deux commandes groupées de kits photovoltaïques, donc qui fait que 60 personnes environ se sont équipées. Et donc on est pour l'instant à 120 panneaux installés. Et actuellement, on a une troisième commande groupée qui est en cours. On a déjà environ 30 personnes aussi ou 30-40 personnes qui se sont inscrites. Et donc on peut encore s'inscrire pour cette troisième commande. Donc le principe, il est simple aussi. Pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, au lieu que chaque commande soit livrée directement chez le client, là tout est livré à un seul endroit et ensuite nous on s'occupe de la répartition. Donc pour cela, pour l'instant il suffit de nous contacter et mettre un petit message que vous seriez intéressé, donc sur le mail central avec un s.vologne.moselle.fr. Donc voilà pour notre actualité. Donc la commande est ouverte jusque fin octobre et on aura une livraison environ début décembre. Et je me suis toujours demandé la question, c'est quoi les gaz à effet de serre ? Donc les gaz à effet de serre, c'est tous les gaz qu'on émet, par exemple principalement le CO2, le dioxyde de carbone, qui est émis chaque fois que l'on brûle quelque chose, que l'on brûle du pétrole, de l'essence dans une voiture, du gaz quand on se chauffe, etc. Et en fait, cette concentration qui devient plus importante dans l'atmosphère fait que le climat se réchauffe. On le constate tous, même aujourd'hui, mais là, ces derniers temps, on constate qu'il fait nettement plus chaud que d'habitude. C'est vrai que c'est une des années où il fait le plus chaud, je crois. Oui, on a battu de tout octobre des records de chaleur. Et quels sont vos futurs projets, que ce soit pour ERCVM que pour le Repère Café des Lois ? Alors, on est en train de travailler de faire une plus grosse installation photovoltaïque. On a trouvé un site qui permettrait de faire une installation d'une bonne centaine de panneaux. Et là, on serait ce qu'on appelle en autoconsommation collective. C'est-à-dire que la société qui serait ensuite créée pour gérer cette installation pourrait revendre l'électricité à des consommateurs locaux. Par exemple, des gens où on essayerait de leur revendre un peu l'énergie moins chère que leur fournisseur habituel. Donc là, c'est un gros travail, c'est assez compliqué au niveau administratif, donc on est en train de travailler là-dessus. Et comment est-ce qu'on peut vous contacter, Christian, si on veut rejoindre le Repère Café des Lois ? Par mon mail, au plus simple, christiangirardeau, tout en minuscule, @yahoo.fr. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux ? Alors, on a un site qui est pas tout à fait à jour, comme on le disait tout à l'heure dans la recherche de bénévoles. Donc, c'est quelque chose qui nous prendrait un peu de temps. Pour l'instant, on n'est pas très au point à ce niveau-là. Le mail que je vous ai donné permet de nous contacter et après, on reprend contact. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, à vous et à l'association ? Bien d'avoir des gens qui continuent à s'équiper en kit photovoltaïque. Ça participe à la réduction de la consommation d'énergie. Par exemple, pour un foyer normal, un petit kit de deux panneaux fait une baisse de consommation de 20% à peu près. Et aussi, sur le projet à plus long terme, sur une grosse installation, d'avoir des gens qui deviennent sociétaires de l'association et qui apportent une petite part de leur économie pour lancer le projet. Et pour le Repère Café des Lois, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? Que ça marche, le mieux possible. Et si ça marche bien, on lancera ça une deuxième édition au printemps, je pense. Cette interview est maintenant terminée. Christian et Thierry, merci d'avoir été avec nous. Merci Laura. Merci. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie, que vous reviendrez nous voir. Oui, on pourra refaire un peu un bilan et voir les projets, comment ils avancent. D'accord. Quant à nous, auditeurs et auditrices de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle émission d'Autour de vous. En attendant, prenez soin de vous. C'était Laura. Bye tout le monde.